du canal. Canal, la crème du Nalka. J'ai le regard perçant, j'écris des textes vexants, je bois du whisky tous les jours comme un Texan. Je me faufile sous les genoux comme un serpent. Je profite, je fourre des bouffes tant que mon sexe bande. Je suis pas un exemple, je nique le sergent. Fils retourne jouer sous les jupons de ta mère grand. La terre tremble en direct du CNL. Fils ton nom encule les CRS. Les portes, je rentre dans le rap comme un skeg dans une fouf. Le mic braqué sur ta tempe, sur ta tempe. Rap baissé, j'ai visé les genoux, trop marre d'attendre. Qu'un jour la chance me fasse la bise baissée. J'arrive quand personne s'y attend, le code barre c'est F-Tech. Je viens de briser les vertèbres, t'inquiète. J'ai ce qu'il faut pour qu'il compte, oserait me faire taire. Mon projet arrive, wesh alors, suce mon bouffe salope. Mon flow touchera le pactole, le tien touche les salopes. Bande de putain sucé, bande de putain buvé, bande de putain hurlé. Bande de putain goûté, bande de putain bouffé, bande de putain souffré. Bande de putain sucé, bande de putain buvé, bande de putain hurlé. Moi je viens faire les choses à ma manière. Je représente ma tanière, CNL sur la bannière. On m'appelle, donc faut que je kick pour mon département. Je te rappelle que l'État, depuis le département, bombardement, lyrical, ardemment. Je ricale, ceux qui veulent voir notre sang remplir leur jerrycan. Maintenant, tu peux comprendre la haine qui nous habite et notre attachement à la terre, des doigts qui nous abritent. C'est metal jacket full, un canal ouat t'as compris tête d'ampoule. Je laisse parler les douilles, la chevrotine et c'est lui le couille. Petite bite que tu fais, moi je l'ai déjà rodave. Chez Oda bitch, t'assure que putain ça me fout le blues. Donne un buzz du rap du fric que je les base. Je te pèse depuis la base, périphérie débris, des copains sur une place. On sait que la paix est une hérésie, la mort une fatalité. Bande de putain sucé, bande de putain buvé, bande de putain hurlé. Bande de putain goûté, bande de putain bouffé, bande de putain souffré. Bande de putain sucé, bande de putain buvé, bande de putain hurlé. La crème du 9-1-man. Voilà les voyous, messieurs, mesdames. Entendons-nous bien. Ok, sus, bien femme. Y'a foule au pays folle. Tu vas en prendre plein le boule. Boule. Remue ta soif, anime cette teuf, bitch. Tu veux ma taupe, sale putain, tu bluffes. Chiche. Voilà la crème, CNL label. L'orgasme lui-même pénètre dans ta moule. Salive et lèche la bouche gauche. La sang sèche, ma droite. Garde la pêche hoche. Ouvre la porte de la zone 1. Le chétan t'offre une bouteille d'encre. T'es dans le trou. Vu que chez nous, c'est en mode. J'ai mis qu'on truie des tripes. Donc les troupes se forment. On nique les uniformes. Les fautes de moyens, genre et mon cerveau se sont unifiés. Noir et fier. Donc la vie et moi, c'est un bras de fer. Théâtre pour les faux frères. On aime marcher en restant frais. S'il ne t'es frais, c'est que s'il y a plus de balles dans le chargeur, il reste encore des pierres. Les petits sont en mode treillis, trahison. Zone selon la tradie, toujours une casse dédiée pour la prison.